Souvenir d'un voyage au Liban en 1859 par M. Édouard Auguste Spohl. Jaffa, Saint-Jean d'Acre, Kaïfa, le Mont Carmel, Soujre, Saïda, arrivé à Beyrouth. D'Alexandrie à Jaffa, 90 lieues marines, 26 heures. D'abord apparaissent les montagnes de la Palestine, dessinant à l'horizon leurs ondulations peu accentuées, puis les rochers qui portent la ville. Jaffa, l'ancienne Joppé, est un amas circulaire de maisons éblouissantes de blancheur, disposées en amphithéâtre sur le versant de la montagne qui regarde la Méditerranée. Du côté de la terre, la ville est entourée de hautes murailles flanquées de tours. C'est par là que Bonaparte entra dans Jaffa en 1799. Au pied de ces murailles, le long du port, règne, chose rare en Syrie, un assez beau quai opposant sa digue au flot de la mer, souvent irrité dans ces parages. Au reste, la rade, m'a dit le commandant du Simoïs, est justement redoutée des marins, maléfide à Carinis. Je pensais involontairement à l'épithète de Virgile. L'aspect général de la ville est triste et fatigant. Des rues sombres, tortueuses, d'une malpropreté révoltante, me conduisent au bazar d'où s'exhale une odeur intolérable de musc et de poisson séché. Je salue l'hôpital que Gros a si poétiquement traduit sur sa toile immortelle des pestiférés et je regagne le bâtiment. Quelques heures après, nous étions en mer et nous suivions, sans trop nous en éloigner, la côte de Syrie. La végétation, assez rare près de Jaffa, devient plus abondante en approchant de Saint-Jean d'Acre. Bientôt, nous distinguons les murs de l'ancienne Ptolémaïs, bâtie sur une langue de terre, qui se projette dans la Méditerranée en forme de demi-lune et baignée de trois côtés par la mer, qui lui sert de défense naturelle. Saint-Jean d'Acre eut l'honneur de tenir en échec Napoléon. Kaïfa s'offre à nos regards à côté au Mont Carmel, qui domine la mer de plus de 900 pieds, et déroule au soleil ses flancs couverts d'oliviers et de vignes sauvages. Le Carmel fuit à son tour. Une heure après, nous sommes devant Tyr. Que reste-t-il de cette ville superbe? Un misérable village, sourd, sur la presqu'île qu'occupait l'armée d'Alexandre. Quelques pauvres ballots de marchandises gisent çà et là sur ce sol que couvraient l'or, la pourpre et les aromates. Voilà donc cette reine des mers telle que l'a faite la malédiction d'Ézéchiel. Des blocs de granit sur le promontoire, un atterrissement où fut la jetée d'Alexandre et rien de plus. Dieu, les hommes, la mer ont tout détruit. À quelques lieues de Tyr, on rencontre Saïda ou Sidon, la tige des villes phéniciennes. Cette cité a pour toute défense un fort qu'une volée de canons réduirait en poussière. Ancien port de Damas, avant que l'émir Fakr el-Din eût fait ensabler les passes de sa rade, Saïda a conservé d'assez nombreuses relations commerciales. La ville compte une population de 7 à 8 000 âmes, dont 2000 sont, dit-on, des chrétiens maronites. Comme Tyr, sa sœur et sa rivale, Sidon n'a rien conservé de ses splendeurs passées. Enfin, les montagnes s'éloignent du rivage, la plaine s'élargit, voici Beyrouth.